Chapitre 5e, devant le jury, incendie de la prison, translation à Saint-Joseph, intrépidité de Madame Doy. Ma fille retourna au Kansas avec l'ex-gouverneur Shannon et le procureur général, mais ma femme resta à Platte City jusqu'à l'époque où nous nous transféra dans une autre prison. Nos avocats firent signifier au ministère public que tel jour on recevrait à Leavenworth les dépositions de divers citoyens du Kansas. Comme témoins à notre décharge, ces témoins ne pouvant venir à Platte City à cause de l'exaltation du peuple. Le ministère public ne tint aucun compte de cet avis. Nos avocats et nos témoins se rendirent tous à grand frais à Leavenworth le jour fixé, mais la partie adverse ne s'y présenta pas et ce fut pour nous une dépense inutile de temps et d'argent. Nos avocats revinrent à Platte City pour se préparer au procès qui devait commencer le 20 mars. Par suite du mauvais vouloir des accusateurs, je n'avais pas de témoins. Cependant, le 19 mars à 11h, on vint nous donner l'ordre de comparaître à la courthouse. La porte de notre cellule s'ouvrit et nous livra passage pour la première fois. J'éprouvais une grande difficulté à marcher, car j'avais les chevilles très enflées. Mes yeux s'étaient tellement habitués à l'obscurité que je pouvais bien distinguer tous les objets dans mon cachot, mais dès que la porte fut ouverte, le soleil brillant, réfléchi par la neige, vint me frapper les yeux et me rendit momentanément tout à fait aveugle. « Mon Dieu, j'ai perdu la vue, » m'écriai-je. Je fis un faux pas et me donnai un grand coup. Mon fils me releva et me soutint pour m'aider à marcher jusqu'à la courthouse, où nous devions comparaître pour récuser le grand jury. De chaque côté de la route se tenait une rangée d'hommes hurlant comme des démons. Une voix cria « Eh bien, docteur, nous arrivons au fait !» On nous désigna des sièges en face de la foule. À l'abri du soleil, je recouvrais graduellement la vue, mais j'étais dans un piteux état, estropié et couvert de haillons, puisque mon habit avait été mis en pièces par la populace de Weston. Le jury était composé de personnes complètement étrangères. Il nous fut impossible d'exercer aucune récusation. Du reste, l'exercice de ce droit n'aurait probablement pas amélioré notre situation, car les habitants de Platte City avaient en général une telle animosité contre nous qu'ils étaient décidés à nous pendre s'ils le pouvaient. Après le tirage du jury, on nous ramena à la prison. Nos avocats, consultés par nous, nous engagèrent alors à demander notre translation à Saint-Joseph si cela était possible. On parvint à décider un magistrat à se présenter le lendemain de très bonne heure à la prison, et devant lui, nous rédigeâmes une protestation avec serment, dans laquelle nous déclarions que, vu l'effervescence populaire, nous ne croyons pas pouvoir être jugés équitablement à Platte City. Peu d'instants après, on nous conduisit de nouveau à la courthouse pour y voir continuer la procédure. Le juge Norton, assis dans le fauteuil, fumait sa pipe. À sa droite se tenait le jury, formé spécialement pour cette occasion. Et quel jury! Je voudrais pouvoir le décrire et dépeindre les yeux pleins de haine qui s'attachaient sur nous. À l'ouverture de l'audience, notre défenseur présenta notre protestation. Cette démarche parut prendre la cour et le jury au dépourvu. Elle fut discutée et adoptée enfin par le juge, au grand désappointement de la foule, qui fit entendre un murmure de mécontentement. Les jurés nous lancèrent des regards foudroyants, et la plupart grinçaient des dents comme le pourraient faire des animaux sauvages qui se voient enlever leur proie. Aussitôt après cette décision, l'ordre fut donné de nous reconduire à la prison où nous rentrâmes, toujours escortés par la foule hostile. Cette même nuit, le feu, qui avait déjà pris quelque temps auparavant, se mit au tuyau du poêle et s'étendit bientôt à la prison elle-même. Les flammes avaient déjà fait assez de progrès avant que le peuple s'en aperçût au dehors et pût crier au feu. On mit en branle les cloches de la ville. Le geôlier avait emporté les clés et nous étions tous enfermés. Un de nos gardiens, pour l'avertir, tira un coup de fusil dans la maison en face. Il arriva enfin, suivi de ma femme et de la sienne, et ouvrit la porte de la rue, ce qui permit de faire entrer l'eau. Mais il se passa assez de temps encore avant qu'on fût parvenu, non sans beaucoup de peine, à se rendre maître de l'incendie. Le plancher de la chambre située au-dessus de la nôtre était composé de deux couches de planches superposées, séparées par un espace vide de 2 pieds et demi. Les flammes s'étaient engouffrées dans cet espace et avaient brûlé la première couche de bois. Notre cellule était devenue si brûlante que l'eau frissonnait au contact du fer et tombait bouillante sur nous par les trous du plafond. Il nous était impossible de nous mettre à l'abri de cette pluie dangereuse, et pour retirer du moins nos pieds de l'eau, il nous fallut monter sur le lit. Le geôlier, néanmoins, ne voulut point consentir à nous laisser sortir. En vain, ma femme lui faisait des représentations et lui reprochait son inhumanité. Il ne savait que répondre « mais madame » et se refusait à toute concession. Ainsi nous avons couru cette nuit-là, le danger d'être à la fois noyé et brûlé. Le 23 mars, au soir, le shérif, le geôlier, les gardiens vinrent nous avertir que le départ pour Saint-Joseph était fixé au lendemain matin. À la pensée de sortir le jour suivant de cette horrible cellule dans laquelle nous étions enfermés depuis le 28 janvier, nous rendîmes grâce à Dieu. Nous nous trouvions dans un état misérable, aussi misérable qu'il est possible de se l'imaginer, moi surtout, car la captivité a eu sur moi des effets bien plus funestes que sur mon fils. Sa jeunesse, son activité, la vivacité de son tempérament l'ont préservé des souffrances que j'endurais moi-même. Pâli par le manque d'exercice et de lumière, pareil à un cadavre, amaigri, couvert de vermine, nous n'avions pu nous débarrasser de ce fléau malgré le linge propre dont nous étions pourvus depuis l'arrivée de ma femme. Mes articulations enflées, les chevilles tellement endolories que je pouvais à peine supporter le poids de mon corps, j'étais entièrement affaibli au moral comme au physique. Aujourd'hui même, je ne suis pas rétabli. Je marche encore avec peine. L'enflure n'est pas diminuée. Mes os sont, pour ainsi dire, devenus spongieux. Ma mémoire était longtemps ébranlée, et ce n'est que graduellement que mes facultés intellectuelles ont repris leur état normal. Le lendemain, à 8 heures, plusieurs citoyens, curieux de nous voir changer de fer, vinrent assister aux apprêts du départ. On nous lia ensemble, le général Doris ayant eu l'obligeance de prêter au shérif ses plus fortes chaînes à notre intention. Ensuite, on nous conduisit à une voiture attelée de 4 chevaux. Ma femme se trouvait déjà à côté de la voiture et nous aida à y monter, ayant train d'un bond après nous. Le geôlier, qui n'avait pas eu la présence d'esprit de la retenir, lui dit qu'elle ne pouvait pas rester dans cette voiture. Elle répondit « Je crois bien le pouvoir. Je ne vois rien qui m'en empêche et je m'accommode parfaitement de tous ceux dont mon mari et mon fils s'accommodent. D'ailleurs, 4 chevaux peuvent facilement traîner 3 voyageurs. Mais vous ne devez pas rester dans cette voiture. Elle est exclusivement réservée aux prisonniers. Figurez-vous donc jusqu'à Saint-Joseph que je suis une de vos prisonnières. » Le shérif vint à son tour l'inviter à descendre. Elle refusa. Alors, se tournant vers moi, il me dit « Docteur, Madame Doy ne peut pas vous accompagner dans cette voiture et nous n'avons pas envie de porter la main sur elle. Ne voulez pas lui dire de descendre ?»« Monsieur Bryant, répliquai-je, pour ma part, je préfère de beaucoup que ma femme nous accompagne et j'ai toujours éprouvé que lorsqu'elle veut faire quelque chose, elle le fait. » Pendant ce temps, une foule considérable s'était ameutée autour de nous. Le shérif, ayant formellement intimé à ma femme l'ordre de descendre, elle se leva et du haut de la voiture adressa ses paroles à la foule. « Homme de Plate City, le jour où je me suis marié, il y a de cela 26 ans, j'ai promis de me tenir attaché à mon mari aussi longtemps qu'il resterait un bouton à son habit, et j'ai l'intention d'accomplir ma promesse. Croyez-vous que je veuille l'abandonner en cette extrémité? Si vous le croyez, vous vous trompez tout à fait, je vous assure. » Les hommes se mirent à rire. Berg, l'apostat de New York, lui cria qu'elle était une vraie pierre d'abolition. Je vis le shérif consulter le geôlier, et je dis à ma femme, « Jeanne, ils te laisseront aller. Tu ferais bien de t'entendre avec le conducteur. » Elle suivit mon conseil et lui glissa 3 dollars. Un instant après, le shérif s'avança. « Eh bien, Madame Doy, puisque vous paraissez ne pas connaître les convenances, je vois qu'il faudra bien vous laisser partir, mais cela vous coûtera 10 dollars. » C'était probablement la somme qu'ils venaient de fixer entre eux. « Je vous remercie, monsieur, » répondit-elle, « j'ai déjà payé le conducteur. » La foule se mit à rire de nouveau, mais aux dépens du shérif cette fois. Les prisonniers partirent, accompagnés du shérif, du général Doris et d'une escorte de 8 hommes à cheval bien armés, parce qu'on craignait que les Free Soilers de Kansas ne tentassent quelques coups de main pour délivrer le docteur et son fils.